bref, c'est l'histoire d'un mec assez antipathique, plutôt en plein cœur de l'échec à tous les niveaux. Pas d'amour, pas d'amis, pas de passion et pas de boulot. Un peu susceptible, voire carrément pas cool. Mais paraît-il d'aller vil d'une pute et d'un pitbull. Mais n'accordons pas trop d'importance aux potins et pétasses qui peuplent sa paroisse. Paul est plutôt porté sur la parano, persuadé, mordicus, que tout le monde rit dans son dos. Ses soupçons sembleraient justifiés, alors il vocifère des insultes à la suite à l'encontre des bêtas susnommées. Un jeune qui n'en finissait pas de s'exalter. L'homme n'a pu être poursuivi. La seconde cartouche fut pour lui.